manque un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue ici sur l'antenne de Erigir 90.7 si vous l'écoutez sur Bordeaux et sur le erigirfm.fr sur internet pour écouter cette émission Johnny de A à Z qui va bientôt fêter, qui a déjà 20 ans cette émission, mais qui va bientôt le fêter courant juin également. En suivant donc l'émission de Thierry Gallet, la saga des Fab Four. Je suis très très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, la 459e. La 500e arrivera, mais dans d'ici un an à peu près, un an et demi. Si on suit toujours le même rythme, et s'il n'y a pas d'autres confinements, mais bon, croisons les doigts, maintenant ça a l'air d'être bien parti, on verra ça. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un album de la semaine, et il y aura aussi plein d'autres surprises que je vais vous faire découvrir tout au long de cette émission. L'album de la semaine et l'album à part à partir de maintenant, qui est sorti le 25 juin 1980 et qui célèbre au passage deux événements de nature quelque peu différente. Le premier est joyeux, le 37e anniversaire de la star. Le deuxième est moins gai. La presse se fait l'écho de la séparation apparemment définitive du couple le plus glamour de la scène française, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Donc, le 25 juin sort l'album à partir de maintenant avec une impression maussade qui s'en dégage et se poursuit tout au long du disque avec quatre adaptations anglaises dont à double tour Drift Away de Dobby Gray, Perdu dans le nombre de Feel Like Number de Bob Seger, deux adaptations françaises Je ne suis pas un héros de son ami Daniel Balavoine qui l'avait séduit par son franc-parler et son attitude rebelle, La poupée qui fait nom de Michel Polnareff et quatre compositions originales de Michel Mallory. Tout est en place grâce à Hervé Roy et Jacques Dangean, mais il manque quelque chose comme un mordant d'énergie. Les thèmes abordés dans Le Chanteur sans amour, La seule fille que j'aime, La fille de l'hiver, Perdue dans le nombre, dévoilent l'état d'âme de Johnny. L'album devient disque d'or très rapidement. Au cours de cette émission, on va découvrir Johnny Hallyday et l'album de la semaine, bien sûr. Qu'est-ce que nous aurons d'autre ? Eh bien, on va retrouver aussi Johnny Hallyday à la radio qui défendait son album à partir de maintenant dans l'émission Croque Musique présentée par Patrick Sabatier. C'était le 11 août 1980 sur RMC. On retrouvera également Johnny Hallyday qui fêtait son 37e anniversaire au Martins. C'est une petite boîte dans le bois de Boulogne avec plus de 500 invités. On aura ça en fin d'émission. Et puis, on retrouvera aussi les versions originales de quelques chansons qu'on découvrira au fur et à mesure. Et donc, Johnny va être bavard. Il sera très bavard dans cette émission. Mais juste avant, on va écouter le premier titre d'album de la semaine. Le premier 45 tours de cet album, à partir de maintenant, est sorti le 12 juin 1980 avec le simple « À partir de maintenant » et de l'autre côté, « Qu'est-ce qu'elle fait ?». Et donc, à partir de maintenant, c'est une composition nostalgique de Michel Mallory définissant l'état moral de ce début des années 80 de Johnny Hallyday et aussi en même temps celui de Michel Mallory qui connaissait aussi quelques déboires sentimentales. On y va, c'est parti, Johnny de A à Z, c'est maintenant et tout de suite et pour plus de 2 heures d'émission. Maintenant, plus rien n'a vraiment d'importance, plus d'importance. À partir de maintenant, il faudra que je m'habitue à vivre le cœur nu. Je suis comme en convalescence, je ne suis pas guéri encore de son absence. Lorsque j'y pense, j'étais un homme il y a pas longtemps. J'ai peur d'être un enfant à partir de maintenant.

une nuit qui m'a mis le cœur en déroute. Je la cherche chaque nuit, chaque jour. Sans elle, je suis toujours le chanteur sans amour. Je la cherche chaque nuit, chaque jour. Sans elle, je suis toujours le chanteur sans amour. Le chanteur sans amour, extrait de l'album de la semaine à partir de maintenant. Le samedi 24 mai, Claude Lemoyle, alias Eddie Mitchell, épouse en seconde noce Muriel Bailleul à Saint-Tropez. L'ami Johnny, témoin du marié, s'y rend en hélicoptère. Et le témoin de la mariée est une jolie brune de 23 ans nommée Étienne Elisabeth. Affaire à suivre. Babette, on va dire. Hein? Et le soir à la télévision, Gérard Depardieu est l'invité de numéro 1 des Carpentiers. Il improvise un sketch sur Ma Gueule s'adressant à Serge Gainsbourg qui entonne ensuite à Harley Davidson, et Johnny rejoint le groupe et, encouragé par son pote Depardieu, s'amuse à chahuter le motard mal rasé, imperturbable dans son playback. Sauf que on va pas écouter ça. Non, non, sinon il faudrait faire une émission de 3 heures. On va écouter un duo avec Johnny et Eddie Mitchell. C'était le mercredi 12 novembre. Johnny était invité au palmarès 80 de Guy Lux. Il retrouve ses amis Gérard Depardieu et Eddie Mitchell pour un trio sur le titre Et la voix d'Elvis, soi-disant, hein. Good Rocking Tonight de Elvis Presley. Qu'est-ce qui va venir d'après toi? Oh!

On retrouvera Johnny Hallyday tout à l'heure dans l'émission de Patrick Sabatier, Croque Musique. Un Johnny très loquace. Patrick Sabatier n'arrive pas à le faire arrêter de parler. Et pour notre plus grand plaisir, justement, Johnny avec un discours qu'aujourd'hui on pourrait plus tenir, hein. Il y a beaucoup de choses, mais bon, c'était les années 80. C'était comme ça. C'était super. Vive la liberté. À présent, on va revenir à l'album de la semaine qui est à partir de maintenant sorti le 25 juin 1980. Et avec un titre de Dobby Gray à double tour, on écoutera la version de Dobby Gray juste après celle-ci. Jour après jour, la vie qui va a laissé au passage comme un goût amer. Et même l'amour file entre mes doigts. Alors pourquoi s'en faire? À quoi ça sert? Donnez-moi une seule raison de croire et ne pas laisser le cœur verrouillé à double tour. Oui, donnez-moi une seule raison de croire et ne pas laisser le cœur verrouillé à double tour. De jour en jour, la vie est plus dure. Je sais bien pourquoi rien n'a changé. Le monde se vautre dans l'ordure. J'ai tant besoin de vous. Oui, pour l'oublier. Donnez-moi une seule raison de croire de ne pas laisser le cœur verrouillé. Oui, donnez-moi une seule raison de croire de ne pas rester le cœur verrouillé à double tour. Quand parfois la nuit un vieux rêve interdit me poursuit, j'aimerais m'échapper, j'aimerais revenir jusqu'ici. J'ignore encore tout de l'avenir. Ce que je peux dire, c'est qu'il est à vous. J'entends vos voix, j'entends vos rires. Et j'ai besoin de vous. Une seule raison de croire, de ne pas rester le cœur verrouillé à double tour. Donnez-moi une seule raison de croire, de ne pas rester le cœur verrouillé à double tour. À double tour, adaptation par Georges Terme. La version originale a été chantée par Dobby Gray, hein, qui est né au Texas, et se fait connaître avec l'album The In Crowd, en janvier 1965, succès qu'adoreront les Mods. Après un passage à vide, il rencontre Mentor Williams, frère du musicien Paul Williams, et revient au premier plan grâce à Drift Away, en février 1973. C'est un parfait exemple de croisement entre soul, country et pop réalisé à Nashville. Un chanteur noir accompagné par des musiciens blancs n'en est rien une exception. Et même en country, les interprètes de couleur suivent, suivant l'exemple de Ray Charles, sont moins rares que l'on le croit. Et Rod Stewart se chargera en 1975 de reprendre ce titre-là sur l'excellent album Atlantic Crossing. Et Dobby Gray enchaîne avec une autre très belle chanson, Loving Arms, qu'Elvis Presley, travaillant au studio Stax, adopte ou presque aussitôt, tout comme Johnny, en 1974. On va écouter la version originale, donc Dobby Gray, Drift Away. Today I'm more confused. Yet I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose. And I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Beginning to think that I'm wasting time. I don't understand the things I do. The world outside looks so unkind. And I'm counting on you to carry me through. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. Joy that you've given me. I want you to know I believe in your song, in rhythm and rhyme and harmony. You've helped me along, making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. On a également repris ce titre-là, Drift Away, mais n'a pas été édité sur un album, a été repris dans une compilation. Ils reprenaient plein de titres qu'ils n'ont pas été à l'époque, qui avaient été laissés dans un placard, et donc ils ont ressorti. Et on peut le retrouver, je ne sais plus sur quel album, mais vous pouvez la trouver sur YouTube aisément, ce titre-là, la version des Rolling Stones, Drift Away. On revient à l'interview de Johnny Hallyday dans l'émission Croque Musique. C'était le 11 août 1980. On était sur Bernard Lavilliers. On n'avait pas écouté le titre Trafic de Bernard Lavilliers, mais Johnny revient dessus juste après lui.

Et puis, ça me permettra en tout cas de faire une bonne bouffe après. Et puis, bon, bah, ça, fait quand même c'est plusieurs pas facile à dire, mais c'est pas facile à manger, tout ça. Ça fait quand même plusieurs fois que tu parles de bonne bouffe depuis le début de l'émission. Mais oui, mais avec l'âge. Moi, avant, je me contentais de n'importe quoi. Maintenant, je dois dire que je commence... Enfin, s'il y a quelqu'un qui nous entend ce soir, ou quelqu'un dans l'audience ici, qui fait bien les pâtes, par exemple. J'adore les pâtes. Avec la sauce tomate un peu à l'arabiata. Hein, piquante et tout. Il y a quelqu'un dans la salle qui fait les boulettes de viande. Ouais. Ou alors la soupe corse, ou la soupe... enfin, la soupe un peu dans le genre corse. Vous m'invitez, je viendrai avec plaisir. Si en plus elle est jolie, la soupe. Je reste avec, prêt avec plaisir. Voilà, là on prend les inscriptions tout de suite après l'émission. Non, ce que je dis pour être sérieux, quand même, il faut être sérieux. Paul Naref est quelqu'un que j'aime beaucoup et je sais que maintenant il va rester en France. Je sais que ses problèmes, à mon avis, se sont un peu arrangés. Et je suis vraiment très heureux parce que. C'est un bon musicien. On n'en a pas beaucoup en France. Et je pense qu'on avait besoin qu'il revienne. Je crois qu'on peut applaudir, ça, hein. C'est une bonne phrase. Et c'est pas vrai que tu as enregistré tes chansons parce qu'il t'en manquait une sur Pauvaldon. Ça aussi, il faut le dire. Oui, parce qu'on m'a dit aussi. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Johnny? T'as enregistré La Poupée qui fait non? Parce qu'il devait te manquer une chanson dans ton album. C'est faux parce que j'en avais trois ou quatre, pas mal. Qui n'ont pas fait d'ailleurs, qui n'ont pas fait la carrière de La Poupée qui fait non, mais enfin bon, qui auraient peut-être pu la faire, que j'ai enlevé pour faire celle-là, parce que je pensais qu'il fallait faire celle-là pour lui, pour le public qui l'aime, et puis aussi pour moi, parce que j'adore cette chanson, c'est tout. John Hallyday est très franc, qui se lâche dans les mots, dans cette interview qui est très intéressante à écouter. On entend des choses qui souhaitent et qui en fait de compte qui ne se feront jamais. On écoutera aussi un extrait où il parle après de Sylvie Vartan un peu plus tard et aussi avec quelques révélations qui ne se sont jamais produites également ou des souhaits qu'il aurait voulu, mais ils ne se sont jamais produits. Revenons à l'album de la semaine qui est à partir de maintenant sorti le 25 juin 1980 et dans cet album-là, on retrouve une chanson qui s'intitule « Je ne suis pas un héros » qui a été écrite par Daniel Balavoine. Daniel Balavoine a repoussé ce titre-là car il n'était pas content de la version de Johnny Hallyday. Et puis ce disque, cette chanson, ce titre-là n'a pas été mis en avant en single. Donc Daniel Balavoine est déçu, justement, que ce titre n'est pas un succès. Donc lui, il se la reprend. Il la reprendra sur l'album Un autre monde, la même année, en 1980, dédiant même cette chanson-là à Jean-Philippe Smet. Et pour cet album, à partir de maintenant, Daniel Balavoine avait fait la base. Il avait fait la démonstration et en dépoussiérant un peu tout ça pour l'intégrale de Daniel Balavoine sortie le 4 décembre 2020, ils ont retrouvé, l'ingénieur du son de l'époque, a retrouvé la voix de Daniel Balavoine sur une piste. Donc ça a créé, pour le coup, ils ont créé le duo Daniel Balavoine John Hallyday sur le titre « Je ne suis pas un héros », c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Je monte sur scène comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, oui, il faut trouver la flamme qui brûle, mais pour toucher les femmes qui me tendent les mains, mais qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. Je ne suis pas un héros, un héros. croyant m'aider à porter tous mes chagrins. Moi je sais qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coups de pied dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. Ce duo a été dépoussiéré sous la surveillance d'Andy Scott, l'ancien ingénieur de son et ami de Daniel Balavoine, comme l'assure le label Panthéon. La bande magnétique a été nettoyée et recalibrée sous l'œil vigilant d'Andy Scott, et tous assurent que cette version de Je ne suis pas un héros a été restaurée dans le respect. Il existe également une version plus longue de 5 minutes 30 qu'on peut retrouver sur YouTube également, mais la voix, les voix ne sont pas recalibrées. Là, le travail est mieux fait. Voilà. Aucun titre de l'album à partir de maintenant ne fut repris sur scène, excepté ce titre-là que Johnny inscrit à son tour de chant en 1990 et 1991 à Bercy, dans la chaleur à Bercy, et ainsi que dans la tournée. Ben justement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écouter Johnny en solo à Bercy avec ce titre « Je ne suis pas un héros ». Hey, on recommence. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live à Bercy en 1990. All right. Je dédie cette chanson à Daniel Balavoine. Chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Et quand je monte sur scène, quand on prend le dernier train, même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qui brûle, puis toucher les femmes qui me tendent les mains. Mais qui me quitte, qu'elle m'aime, mais dont je ne sais rien. Je suis fatigué, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, et faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. femme s'accroche à mes larmes. Je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Oui, je sais qu'elle le rêve, mais ça leur fait du bien. Et à coups de pied dans la rue, oui, j'ai trouvé la femme qu'il faut. Mais pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. Pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais crier. Je ne suis pas ailleurs. Et faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas. Ce que disent les journaux. Je ne suis pas ailleurs, ailleurs. Je ne suis pas ailleurs. Et ton âme colle à la peau. Je ne suis pas ailleurs. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas. Écoutez Érigé, la radio de John Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit, c'est l'émission Johnny de A à Z. Et aujourd'hui, nous parlons de l'album de la semaine, à partir de maintenant, sorti le 25 juin 1980. Le prochain titre que je vous propose, on va terminer la face A de l'album. Oui, on va parler en vinyle, hein, et non pas en CD. C'est La seule fille que j'aime, une chanson qui est une adaptation d'un titre de Steve Goodman, You Are the Girl I Love, qu'on écoutera juste après en version live. Et voici la version de l'album par Johnny Hallyday. Je me demande si j'aurais pu vivre sans toi une heure de plus. Sans te connaître, je t'aurais reconnu au bout du monde ou bien dans ma rue. C'était comme je t'imaginais, les yeux, les cheveux dont je rêvais. Oh, tu as mis du ciel dans ma maison, et puis du soleil dans mes chansons. Oui, tu as tout rangé, ou tu as tout changé. Tu as réussi à m'apprivoiser. Tu m'as fait l'amour, tant d'amour, tout au long des nuits. Et tout au long des jours, aujourd'hui je peux bien te l'avouer. Malgré nos folies et nos guerres et nos paix, malgré la vie, tu es toujours sans problème. La seule fille que j'aime, regarder dormir pour te voler la nuit un sourire. Tu ris de tout, rien te fait pleurer. Tu es si fragile, j'ai peur de te blesser. Tu as mis du bleu dans ma maison et puis de l'amour dans mes chansons. Oui, tu es une femme autant qu'une enfant et tu as besoin de moi tout le temps. Tu m'as fait l'amour avec tant d'amour tout au long des nuits et tout au long des jours. Oui, je suis sûr que rien ne nous fera changer. Aujourd'hui, je peux bien te l'avouer. Malgré mes envies et tout ce que j'ai fait, malgré nos folies et nos guerres et nos paix, malgré la vie, tu es toujours sans problème la seule fille que j'aime. Nous en avons écouté la version originale de cette adaptation-là, qui a été écrite par donc Steve Goodman. Steve Goodman est issu des clubs folk de Chicago. Il se lie avec John Prine et Donnie Fritz. Et son premier album, Steve Goodman en 1971, est réalisé par Chris Christopherson. Il inclut The City of New Orleans, qui devient un tube par Arlo Guthrie, puis par Joe Dassin, sous le titre Salut les amoureux. Et pour le deuxième disque de Steve, Bob Dylan vient jouer du piano sous le pseudonyme de Robert Milkwood Thomas. En 1978 sort Say It in Private, dont l'une des plages, You Are the Girl I Love, est adaptée en français par Michel Mallory. Et atteint de leucémie, Steve Goodman meurt à 36 ans. Voici sa version You Are the Girl I Love en version live. Tell everybody I see just how much you mean to me. I'm your boy and I'm gonna talk about the beautiful way you walk and make everybody sad and blue, 'cause they can't spend their lives with you. Tell all the fish in the deep blue sea, tell all the boats in the Queen's Navy. Say it real quiet, say it out loud, say it in private, say it in a crowd. Read it to the blind and show it to the deaf, and look in the mirror and tell myself that no one has ever known a love so true. One of these days, whatever I do, I'm gonna have to find a way to tell you, baby. You're the girl I love. Don't tell everybody I see just how much you mean to me. Travel this world from pole to pole, telling them all about your beautiful soul, and to whom it may concern. answer. All those other boys will have to wait their turn. Say it every night and every day of the year. And say it to people who don't want to hear it. Tell all the birds way up in the trees. Tell it to the judge and the chief of police. No way to tell you, babe, you're the girl I instant sur le thème de Rigé avec You're the Girl I Love, extrait de l'album Live Wire, sorti en 2000. Merci. Thanks, Monty. Yeah. Steve Goodman sur le thème de Rigé. À présent, nous allons retrouver John Hallyday encore une fois pour une petite interview de presque 3 minutes. Il va nous parler de Julio Iglesias et puis après il parlera aussi, il va déborder comme d'habitude, voilà, dans l'émission Croque Musique présentée par Patrick Sabatier, c'était sur RMC et le 11 août 1980. Bravo. Ah oui, bravo. Bravo pour Julio Iglesias. Julio Iglesias qui a enregistré la version espagnole d'un grand succès de Johnny. Non, je veux dire que je suis très content parce que, bon, moi, ça fait partie de mes disques en France qui sont bien vendus, qui sont vendus à disque d'or. Et puis, Iglesias, que je connais un peu comme garçon, qui est un gentil garçon, qui est un bon copain, et qui est une idole dans tout. C'est vraiment une idole dans tous les pays latins. Il fait vraiment 120 ou 130 000 personnes quand il va chanter à Rio ou dans tous les pays, disons, d'Amérique du Sud. Mm-hmm. Il a vendu beaucoup, beaucoup de disques avec cette chanson que j'ai interprétée en français. Je suis très heureux pour lui d'ailleurs qu'il ait vendu beaucoup de disques. Et moi je pense personnellement qu'il a beaucoup de talent parce qu'il sait adapter les choses de chaque pays dans ce qu'il faut pour son pays à lui. C'est ça. Tu parles d'idole. Johnny Hallyday est une idole depuis 20 ans. Alors, je voudrais savoir un petit peu quelle est ta conception de l'idole. Moi, je suis sorti du ventre d'une femme, c'est tout. Non, mais tu es une idole quand même. Il n'y a qu'à voir tout le monde qui est là aujourd'hui. Je veux dire, tu as fait. Où le plaisir, ça fait un petit non, peu moins je de pense pas. Je pense pas que je suis une idole. Je pense que je suis un copain. Et puis je pense que je suis un copain pour plusieurs raisons. D'abord parce que je chante peut-être des chansons qui plaisent à certains et qui ne plaisent pas à d'autres. Et puis également parce que je m'intéresse au sort de chacun, que je suis un petit peu mêlé à, au sort, disons, à la vie courante de tout le monde, et que je pense que les gens le savent. Et que ça concerne un peu tout le monde, et je crois que on est solidaire, non? Je pense oui que... ou non? Ah, dites-moi oui ou merde. Bon, alors c'est oui. Non, je pense que ce qui nous frappe là aujourd'hui, c'est que bon, quand on reçoit Johnny Hallyday, il se passe quelque chose. Quand même pas un artiste comme vous. Ben oui, mais hein. Non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce qu'on est ensemble depuis le début. Non, mais il y a une chose extraordinaire, c'est que c'est ta gentillesse qui nous a frappé depuis le début de l'émission. C'est que bon, on est parfois un petit peu envahi. Non, c'est pas, je suis pas gentil. Je suis pas quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de très méchant. C'est pas évident comme ça tout de suite, hein. Mais j'ai tellement de plaisir à être avec vous. On retrouvera Johnny Hallyday tout à l'heure, encore, avec Patrick Sabatier. Voici un autre extrait de l'album de la semaine qui est sorti en single. Le 12 septembre 1980, voici le titre « Un diable entouré d'anges ». Et on écoutera la version de Toto Cotugno, juste après celle-ci. Entouré d'anges, les femmes sont belles autour de moi. Et elles viennent avec leur visage d'ange maudire le ciel entre mes bras. Elles savent que j'abîme ce que je touche et je détruis leur paradis. Car dès qu'elles posent leurs mains sur ma bouche, je prends leur vie et je meurs aussi. Tu n'es pas de ces filles-là, une petite fille comme toi, ce n'est pas une femme. Malgré tout ce maquillage, pour faire oublier ton âge, tu n'es pas encore femme. Celle qui vient ici ce soir adoucir mon désespoir, tu n'es pas cette femme. Celle qui s'en ira demain comme les autres lendemains, tu n'es pas cette femme. Non, non, non, non. Je vis comme un diable entouré d'anges et tu ne peux rien faire pour me changer. Tu viens avec ton visage d'ange, le nez que mon enfer a te donné. Il y a trop de choses que tu ignores, un jour elles détruiront ton paradis. Car si tu poses tes mains sur mon corps, je prends ta vie et je meurs aussi. Je vis comme un diable entouré d'anges et tu ne peux rien faire pour me changer. Un diable entouré d'anges, extrait de l'album de la semaine à partir de maintenant, sorti le 25 juin 1980. Donc cet album a été enregistré à Paris au studio du Palais des Congrès et au, au studio de la Grande Armée, ainsi qu'à Boulogne-Billancourt au studio 92. L'album est réalisé par Eddie Vartan et cet album reçoit un accueil honorable de la part du public et est rapidement certifié disque d'or. Pour autant, il ne se distingue pas particulièrement dans l'abondante discographie de l'artiste. Il lui est souvent reproché un manque d'énergie, d'enthousiasme ou plus généralement d'originalité, voire d'inspiration. La raison première en est l'absence de titres forts. Et des 10 chansons qui composent l'album, aucune n'accède au rang de tube, et ce, même si la chanson à partir de maintenant tourne sur les ondes durant tout l'été, précédant Un diable entouré d'anges qui assure la relève durant l'automne. Et Un diable entouré d'anges a été écrite par Toto Cutugno, qui avait porté chance à Johnny au temps de Derrière l'amour, et cette tentative donc ne connaît pas le même retentissement malgré une mélodie bien ficelée, bien trouvée. On écoute la version de Toto Cutugno ici sur Antenne de Régis dans l'émission Johnny de A à Z. Vous allez chanter ? Est-ce que vous connaissez les paroles de cette chanson-là ? Una serata come tante. Come tante. Se facce, ma c'eri tu. Fingevi d'essere presente, con la mente, dove eri tu? Presunzione e la certezza, te ne indossavi, come eri tu? Parlavi solo di te stessa, come se avessi qualcosa in più. Ti lasciavo sfogare, ti lasciavo parlare, parlare di quel che volevi tu. Di esperienze vissute e pagate, di paure, di voglie sopite che ti porti dentro tu. Ti rimproveri d'essere bella, che ti vogliono solo per quello, ma sei una donna tu. Una donna con mille problemi, una donna coi suoi desideri e forse un'anima. Na, na, na, na. Una serata come tante, le stesse facce ma ora ci sei tu. Credevo d'essere più forte, ma nel mio cuore sei scoppiata tu. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny a fait ses petites tournées. Il a repris le concert du Pavillon de Paris, Porte de Pantin, en hiver 1980. Et là, du 30 juin au 17 août 1980, il fait sa tournée d'été. Il change un petit peu le programme, il change la setlist du concert et met ce titre-là. Il ne met aucun titre de l'album à partir de maintenant, mais il met ce titre de 1975, Dégage. Voici Johnny Hallyday à Nice, c'était le 11 août 1980. C'était le soir de l'émission de Patrick Sabatier.

Le titre a été adapté par Long Chris sur l'album. Donc, à partir de maintenant, l'album de la semaine. Et la chanson Feel Like Number, la chanson de Bob Seger, apparaît sur l'album Stranger in Town en mai 1978, dont elle constitue l'une des plages les plus rock. La musique, une fois acquise par les éditions Tandé, Tandé c'était la contraction de Vartan et Hallyday, elle est parolée par Michel Mallory. Voici la version de Bob Seger, Feel Like Number, sur RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le dimanche 22 juin 1980, Johnny est l'invité d'honneur de Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche sur TF1. Johnny chante à partir de maintenant et qu'est-ce qu'elle fait? Et en prélude à sa grande tournée d'été, il chante le soir avec Sylvie Vartan à la Fête de la Liberté devant 250 000 personnes. Alors, question, divorce ou pas divorce? Mais en attendant, allons du côté des rendez-vous du dimanche. Plus rien n'a vraiment d'importance, plus d'importance. partir de maintenant, il faudra que je m'habitue à vivre le cœur dur. Je suis comme en convalescence, je ne suis pas guéri encore de son absence. Lorsque j'y pense, j'étais un homme il n'y a pas longtemps, j'ai peur d'être un enfant à partir de maintenant. À partir de maintenant, moi je vais m'ennuyer partout et haïr tous ces gens. C'est fou la place qu'elle avait pris, c'est fou l'amour, c'est con la vie, bien trop souvent. Je vais me tuer à travailler et faire de mon mieux pour ne pas sombrer et ne pas craquer. C'est bien que je n'aimerai plus vraiment à partir de maintenant. À partir de maintenant, comment pourrais-je faire l'amour? Comment faisait l'amour? Je connaissais son corps par cœur, mais son cœur a été déjà loin ailleurs. Avec elle j'avais du talent, j'étais drôle et je me sentais plus fort qu'un géant. Je voulais lui faire un enfant, je ne veux plus d'enfant à partir de maintenant. Car je sais quel amour elle donne quand elle se donne. À partir de maintenant, elle doit l'aimer et oublier même que j'ai existé. Si j'ai existé, rien ne sera plus comme avant pour moi. À partir de maintenant. Bonjour Johnny. L'avant-dernier numéro des rendez-vous des dimanches de la saison commence avec un cadeau. Johnny Hallyday qui se fait rare sur les plateaux de télévision. Il préfère le public et la scène. Et comme on le comprend, est venu nous offrir deux nouvelles chansons. En direct. Hein, en direct. Bon anniversaire. Merci. Dis-moi, en fait, il paraît que tu veux venir en tournée. Mais je me suis laissé dire que la tournée Johnny Hallyday de cet été se présentait de façon un petit peu différente. Oui, l'organisation est surprise. Toi, tu sais qu'on a un nouveau bus. Enfin, j'ai un bus avec chambre à coucher. Et je me suis laissé dire qu'il paraît que tu avais commencé à boire un peu de vodka, c'est vrai, dans l'avion. Alors, il faut expliquer aux téléspectateurs que depuis que nous connaissons depuis 17 ans, la grande plaisanterie, c'est que Johnny Hallyday se moque toujours de moi parce que je sors un peu moins tard que lui et je bois un petit peu moins. Alors, de temps en temps, je lui dis que je fais des progrès. Je me suis là au vin teinté. Alors moi qui arrête de boire, toi tu commences. Pourquoi pas. Johnny, bonne tournée. Tu as été, difficile de se tutoyer quand on se connaît depuis si longtemps, en 1980 le grand triomphateur dans ce métier si difficile qu'est celui du spectacle, avec un formidable spectacle au pavillon de Pantin. Est-ce que tu as l'intention de remettre ça, de faire encore mieux, encore que tu as placé la barre très très haut? Mieux, je ne sais pas, je vais essayer. Oui. En tout cas, je pense qu'on fera notre spectacle cette année. Très bien. Une deuxième chanson, qu'est-ce qu'elle fait? Et ensuite, nous parlerons de la jeune chanson avec quelques jeunes. Guy Béard viendra. Les jeunes ont deux parrains aujourd'hui d'exception, Johnny Hallyday et Guy Béard. Et ensuite, dans la partie cinéma, Johnny doit partir, mais s'il arrive très vite chez lui, il pourra l'apprendre. Non, Depardieu est venu déjà. Il a fait de bons débuts, d'ailleurs, dans la chanson. Mais dans la partie cinéma, il y aura un de tes amis, Roman Polanski. Oui. J'avais vu à Pantin, il est venu t'applaudir plusieurs fois. Ami, oui. Et avec Aurore Clément, Charlton Heston et Jean-Pierre Aumont, on va parler de l'Amérique et du cinéma américain. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la deuxième chanson. Michel Mallory en est l'auteur, je le précise, car Michel chantera tout à l'heure également. Bonne tournée. Je t'attends en tournée. Oui, d'accord. Avec de l'eau minérale. Et il n'y en aura pas tout le temps de l'eau minérale. Et Dieu, elle s'imagine, je vais m'inquiéter. Et seul dans cette ville, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'en connais de plus belles. Non, mais qu'est-ce qu'elle se croit? Je vais pas pleurer pour elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle croit que je l'aime, que je vais aller la chercher. C'est le dernier de mes problèmes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Dire qu'elle se prend pour une femme. Elle est fragile. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Si elle croit m'arracher des larmes, imaginez son corps brûlé par d'autres mains, par d'autres flammes. Ses affaires, elle va venir les chercher. J'ai laissé de la lumière, mais qu'est-ce qu'elle fait? Johnny sur les plateaux des rendez-vous du dimanche, c'était le 22 juin 1980, à trois jours de la sortie de l'album. Merci de la Johnny, semaine. De nouvelles chansons. Johnny Hallyday, qui a commencé cette émission et qui part en tournée pour une grande tournée de 50 jours. Il commence d'ailleurs par la Normandie, ensuite la Bretagne, puisque je crois que mercredi, il est à Flers dans l'Orne, ensuite Lorient, Brest, Château-Gontier, Grenoble, Clermont-Ferrand, et bien entendu tout le midi de la France. Pendant que vous serez sur les plages de vos vacances, vous pourrez voir le chapiteau et le cirque Hallyday passer. Oui, c'était du 30 juin au dimanche 17 août. À présent, nous allons retrouver l'émission Croque-Musique, présentée par Patrick Sabatier sur RMC. C'était le 10 août 1980. Et Johnny, cette fois-ci, va nous parler de Sylvie Vartan. Mais moi j'aurais aimé te demander de nous parler un petit peu de Sylvie qui était avec nous vendredi dernier. Et c'est qu'on a beaucoup parlé de drame de rupture entre Sylvie et Johnny Hallyday. Je crois que ça fait de la peine à beaucoup de monde. Alors je voudrais savoir ce qu'il en est exactement. Apparemment ça n'a pas l'air de lui faire tellement de peine. Hein. Tellement de peine? Oui. Tellement peur? Non, tellement... Oui, non, moi je dois dire que, bon, ben, c'est-à-dire que tu sais, je connais Sylvie. Je gagne du temps, là. Oui. Je réfléchis. Ça fait penser. Bon, disons que j'avais 18 ans quand j'ai connu Sylvie. J'avais 37. Et puis, Sylvie avait... 16 ans 17 ans. Ah bon? Oui. Alors, ça va, hein? Je connais mon histoire par cœur. Hein, bon. Non, mais Sylvie sera toujours la femme que j'aimerais toute ma vie. Ça fait plaisir d'entendre ça, quand même. Non, Sylvie Vartan sera ma femme toute ma vie. maintenant. On tient à continuer quand même. Oui, Johnny voulait dire quelque chose, alors voilà, on arrête de discuter. En même temps, de la vérité, je voulais parler. Alors, on repassera le disque. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr. Donc, je voulais simplement dire, Sylvie Vartan, donc Sylvie Hallyday, ou Sylvie Sbel, comme vous voulez, sera ma femme toute ma vie dans mon cœur. Elle sera ma femme toute ma vie. C'est la seule femme au monde que j'ai jamais acceptée et que j'aimerais toujours. Et je trouve que on a des ennuis, on divorce. Ils sont curieux, hein? Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres? Non, pas, c'est méchant ce que je dis. Non, pas parce qu'il y en a d'autres. C'est parce que c'est difficile de vivre un métier. On est deux artistes à vivre ensemble, c'est très difficile. En fait, je sais que vous aimez. Non, mais c'est pas fini. Non, je t'en prie. Il faut dire les choses que vous. Arrête de me parler. Voilà, tu parles. Moi, je vais te dire une chose. À tes débuts, on disait que Johnny Hallyday ne répondait que par oui ou par non. Et aujourd'hui, c'est difficile de placer un mot. Mais ouais, je préfère comme alors, ça. Alors, ferme ta gueule. Alors. Allez, vas-y. Achète ce que tu voulais dire. Simplement, c'est qu'elle va vivre sa vie. Je vais vivre la mienne. On va être divorcés, sûrement. On va vivre notre vie chacun de notre côté. Et puis, il n'est pas exclu que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'en sais rien, moi, on se remarie. Tu sais, moi, je veux vous dire une chose. J'avais 16 ans quand j'ai connu Sylvie. 17, bon, 17, bon, d'accord. Alors. Faut prendre la part en deux. Bon, 17. Non, 17. Pas 18, 17. Ça, c'est les journaux, 18. Moi, je peux dire 17. Ouais, j'étais vraiment mineur, mais j'étais mineur aussi, alors ça va. En plus, comme je suis en plein d'être vraiment mineur en ce moment, ça n'a plus rien d'important. Bon, et il s'est trouvé que, c'est difficile de bâtir une vie là-dessus quand on donne tout au départ. Et puis que, bon, avec ce métier qu'on fait, il est, disons que, il y a des moments où on est un peu pris par un côté, par un autre, et puis on est un peu déçu aussi, beaucoup par ce métier. Et puis disons que moi je n'aimerais jamais quelqu'un d'autre, mais je crois qu'il est important pour elle et pour moi, en tant qu'elle, pour, comme femme, en tant que moi, comme homme, qu'on fasse notre vie. Et puis que rien n'est impossible, dans quelques années, dans 2, 3 ou 4 ans, pourquoi pas on se mariera, on se remariera pas, je veux dire, c'est la seule femme que je trouve bien. Johnny se remettra difficilement de cette rupture-là, mais évidemment, il aura d'autres conquêtes et on connaît la suite. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le jeudi 10 juillet, l'annonce de 2 concerts estivaux réunissant le couple Hallyday-Vartan déroute tout à la fois les fans et les journalistes alarmés par la rumeur de divorce. Je chanterai toujours avec Johnny, explique de façon évasive mais explicite Sylvie à Sacha Reims, qui l'interviewe pour VSD, et la chanteuse de se borner à parler métier. Johnny et moi avons toujours en tête de réaliser un jour à Paris, un show où nous serions ensemble du début à la fin. Pour y parvenir, il faudrait que quelqu'un nous écrive des chansons originales. Un plan qui n'a jamais vu le jour. Aussi, le dimanche 20 juillet, 6000 spectateurs répondent présents au rendez-vous fixé par Johnny et Sylvie dans l'enceinte du théâtre antique d'Orange. Sylvie ouvre le bal avec ses 6 danseurs et danseuses, laissant la vedette à son mari, qui rejoint au final vêtu d'une robe rouge feu, dévoilant ses magnifiques jambes. Lui, Johnny, porte un habit bleu d'Indien frangé et perlé. En duo, ils interprètent Le Feu, J'ai pleuré sur ma guitare et Le bon ton du rock'n'roll devant une foule en délire qui profite de l'instant comme s'il était le dernier. Après le concert, le couple mythique part dîner chez Gu à Salon de Provence comme au bon vieux temps et le repas terminé, chacun s'en va pourtant de son côté. Johnny regagne le Sofitel d'Avignon et Sylvie une auberge près de Montfavet. Dans le Vaucluse. L'important, c'est d'avoir fait un bon spectacle, lâche laconiquement Johnny à la presse, et les photos du concert d'Orange seront publiées le 6 août dans Salut et en septembre dans Podium. Le mercredi 13 août, c'est le deuxième concert exceptionnel de Johnny et Sylvie dans les arènes archi-combles de Béziers, et le couple dîne ensuite entouré de quelques amis dans un restaurant de la ville où la chanteuse souffle ses 36 bougies. On va rester donc à ce jour du mercredi 13 août pour écouter Johnny et Sylvie interpréter J'ai pleuré sur ma guitare dans les arènes de Béziers. Bonsoir, je crois que la fin de ce spectacle est bientôt arrivée à son terme. Je tiens à vous dire que nous avons passé une très bonne soirée ce soir grâce à vous. Sans nous, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ne seraient pas là ce soir. En tout cas, nous espérons vous revoir un jour très bientôt. Mercredi 5 novembre, voilà, c'est fini. L'un après l'autre, ils ont apposé leur signature au bas d'un document officiel enregistré par un juge. Au bas des marches du tribunal, leur destin se sépare. Johnny et Sylvie sont divorcés. Elle va bientôt renaître dans les bras d'un autre. Lui, il va plonger gravement. Michel Mallory racontait dans le magazine Nos tendres et douces années en juin 2006, Johnny aimait énormément Sylvie. Il lui a fallu de nombreuses années pour se remettre de leur séparation. Cela a été une vraie souffrance d'homme, car Sylvie n'était pas seulement sa femme et sa maîtresse, elle était aussi sa mère. Avec leur divorce, trois femmes quittaient Johnny en même temps. Il a connu une vraie solitude après le départ de Sylvie. On va revenir sur l'album de la semaine, écouter le dernier titre de cet album-là, à partir de maintenant, sorti le 25 juin 1980, c'est « La fille de l'hiver ». Elle avait le ciel au fond des yeux, avec du soleil dans ses cheveux, d'or et de lumière, la fille de l'hiver. Elle venait du nord comme le vent, d'une terre de neige, d'un pays blanc, au-delà des mers, où c'est toujours l'hiver. Son corps était chaud comme l'été, son amour une source ensoleillée, son rire une eau claire, la fille de l'hiver. On faisait l'amour au coin du feu, quand le vent dehors était furieux, qu'il neigeait sur la terre en plein cœur de l'hiver. Cet amour qui venait du froid, c'était mon été à moi. Je ne voulais plus que finisse l'hiver. J'aurais voulu la garder toujours au-delà de l'amour, pour la vie entière, ma fille de l'hiver. Soleil, je le savais, vers un autre hiver elle partirait, avec ses secrets, me laissant son mystère. J'attends le vent, j'attends le froid, à la première neige elle reviendra, l'amour aux yeux clairs, ma fille de l'hiver. J'échangerai bien ma vie entière, ma fille de l'hiver. Elle avait le ciel au fond des yeux, avec du soleil dans ses cheveux, d'or et de lumière, ma fille de l'hiver. Son corps était chaud comme l'été, source ensoleillée, son rire une eau claire, ma fille de l'hiver. La fille de l'hiver, un titre écrit par Michel Mallory et composé par Johnny Hallyday. Lors des sessions de l'album, donc à partir de maintenant, Johnny a également enregistré Avec le temps de Léo Ferré, mais la bande reste dans les tiroirs de chez Philips. Le chanteur jugeant qu'il manquait encore de maturité pour interpréter avec l'intensité nécessaire ce chef-d'œuvre de la chanson française. Cette reprise sera exhumée en 2011 sur la compilation Johnny Hallyday 50 ans, 50 standards. Voici Avec le temps version Johnny. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin pour laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le feu. phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps, on va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie, je s'parfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traîne le chien. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le dimanche 15 juin, Johnny Hallyday fête son anniversaire hein, au Club 78 sur les Champs-Élysées sans Sylvie Vartan. Il remet ça le lendemain, le lundi 16 juin, au Martins, au Bois de Boulogne. Et le chanteur abandonné célèbre à nouveau son anniversaire lors d'une méga fête organisée par Sam Bernett, maître des lieux, et André Torrent, délégué par RTL, qui retransmet l'événement avec des buffets dressés en plein air, un marchand de glace et une baraque à frites tout droit venue de Belgique. Sur le podium, expressément dressé sous les frondaisons, accompagné au piano par Gilbert Montagnier, Joël, Gérard Depardieu, Jane Manson et Joe Dassin, la star de la soirée se livre à quelques bœufs mémorables entre copains, invitant les 1500 invités présents et les auditeurs de RTL à l'indulgence. On est un peu bourré ce soir. Avait-il échappé? Eh ben, on va l'entendre de suite le dire. Hein. Voici tout de suite Johnny Hallyday et au Martins, le 16 juin 1980, retransmis par RTL. Retour au Martins, c'est Joël qui a pris le micro et qui est ce soir notre présentatrice. J'espère que vous l'entendez. J'espère que la foule va nous joindre dans cette tâche lourde. Happy birthday, ça s'appelle, c'est pas très original. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Happy birthday Johnny, joyeux anniversaire Johnny. Là je pense que vous avez tous entendu, tout le monde a repris en cœur, c'est super. C'est super, c'est ça ma côté. Alors que Catherine Deneuve chantait Happy Birthday, que Serge Gainsbourg chantait Happy Birthday, que Montagnier chantait Happy Birthday, bref, que bon, tout le monde chantait Happy Birthday. Moi je suis trop jeune. Joël. Alors je vais me permettre d'appeler l'hôte, oui, quand même, celui qui vous a invité tous à cette soirée fabuleuse. Il y en a très peu sur Paris. Hé, mon pote, c'est Joël qui parle. Je crois que Joël va arriver à faire monter sur scène le Johnny. Par exemple, ah oui, c'est un numéro prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est l'horreur. Non, ce qu'il faut, par contre, ce qui n'est pas prévu, c'est Gilbert Montagnier qui est arrivé tout à l'heure et qui meurt d'envie de monter sur scène. Et je crois qu'il va aller au piano avec Johnny. Oh là, le dos de Joël, c'est un régal. Hein. C'est un décolleté somptueux. Attention, les musiciens de Johnny. Johnny qui est monté sur scène maintenant, une toute petite scène, à peu près une dénivellation de 20 cm par rapport à l'endroit où nous nous trouvons. On est à 2 mètres de Johnny. Les musiciens de Johnny, petit problème de guitare et de fil entre la guitare et les amplis. Parce que ça n'est pas vraiment la disposition scénique habituelle de Johnny. Hein ? On regarde nos montres, le show va commencer, il est 2h20 bien sûr. On garde l'antenne jusqu'à la fin de la soirée. C'est pas la disposition habituelle de Johnny, mais il faut dire qu'il y a tous les musiciens de Johnny, tous les chœurs, tous les cuivres, tout le matériel de Johnny, et malgré l'étroitesse de l'établissement, tout le monde est là, et Johnny vient de dire, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Je pense que je ferai la première chanson alors. Oh, Johnny, avec Joël. Bon, je signale quand même qu'on est un peu bourré ce soir, c'est pas grave. Oui. On assiste quand même à quelque chose d'extraordinaire là, parce que ça arrive très très rarement. Fine feet. Here's a woman. Non, non, non, c'est pas le ton, hein. Here's a woman that loves. Oh, Un aigle sur le dos. Chaîne de vélo en bandoulière. Johnny, on fait ton à elle et moi, c'est pas les miens. Hein. Oh non, j'ai rien fait, j'ai juste donné 10 sacs à l'orchestre. Ouais, ouais. Alors, Johnny, Joël. T'as soif, André Torrent? Oui, j'ai soif, André Torrent. Petite coupe de champagne, Sam. Oui, merci, Sam. Ils sont en panne, les musiciens. Bon, alors, champagne pour les musiciens et eau minérale pour Johnny, qui vient d'en boire une grande rasade avant d'entamer le deuxième morceau de ce soir. C'est une boum, c'est une jam, c'est une improvisation, c'est super. On va écouter quelques extraits donc de ce Martins le 16 juin 1980. C'était retransmis par RTL et André Torrent qui fait la présentation. Mais au piano. Au piano. Je pense qu'il pourrait y avoir Gilbert Montagnier. Oui, oui. Johnny invite Gilbert Montagnier. L'accompagne au piano. Et on l'applaudit très fort. première fois en direct avec nous du rock'n'roll. Il faut quand même l'applaudir très fort, non? Oui, bravo, Jean-Luc. Ouais! Ah, oh, l'homme! Thank you. petite improvisation de Johnny pour son anniversaire. Il regagne sa place à côté de Catherine Deneuve, à côté de ses amis, à côté d'Alan, à côté de Serge Gainsbourg. Voilà, je crois qu'on a vécu un grand moment en direct sur antenne de RTL. Et sur avec tous les amis de Johnny qui étaient réunis pour son anniversaire au Martins à Paris. Un grand événement que nous avons vécu ensemble en direct sur RTL. Petit regard à Johnny parce qu'avec lui, faut pas trop. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Alors en fait, il s'est peut-être assis quelques instants que pour mieux souffler, pour mieux reprendre le micro. Et je ne voudrais pas vous faire rater le deuxième improvisation. Non, de Johnny. Il n'y aura plus rien d'autre. C'est fini. Et moment de décision. Ça s'achève cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine à partir de maintenant et puis tout ce qui a gravité autour de cette année 1980, aussi bien Johnny Hallyday avec dans l'émission de Patrick Sabatier, Johnny dans les rendez-vous du dimanche et puis ce fameux rendez-vous au Martins. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à l'EDN. À bientôt à toutes et à tous, ciao ciao. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement toujours de l'exo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.